Elise, ce sont des êtres qui s'éternisent, chatouillent les langues conquises. Quand on te prononce Elise, exquise, ce sont des ciels qu'on pulvérise, des villes qu'on atomise. Pour un sourire ou une bise, Elise, nos bras ironisent comme nos corps s'éternisent, Elise, Elise. Elise, Elise, Elise. Elise, Elise. Jamais je ne lâcherai l'emprise. On ne renonce pas aux terres promises. On ne renonce pas à Elise. Surprise, la tendresse se trouve soumise. Atterrir que le désir subtilise. Tu es belle qu'on se le dise. Elise, les lumières roulent et frisent, tes iris cirisent. Elise, Elise, Elise. Elise, Elise, Elise. glace. Le soleil nous tropicalise. On n'est pas loin des marquises. Élise, ta robe flotte dans la brise. Tu m'érotisme poétise. Tu as détruit mon univers, Élise.